As I set down these notes on paper, I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. 7 Hour of Death. C'est moi, Sylvain Latour, de retour à la barre de Subversion, le Metal Show sur Underground Québec. Merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle édition du 2 octobre 2015. Hey, je m'en allais dire 85, là. Hey, décroche un peu. Mais bon, dans le premier bloc, on va revisiter cette période marquante, évidemment. Et puis... Donc oui, émission, ce qu'on aura des pièces issues de nouveaux albums de Ghost, de Aggression, mais aussi de Vanta Black Warship, qui est ni plus ni moins qu'une alliance de musiciens qui se sont illustrés au niveau de la scène locale ici à Montréal, principalement dans les années 90. Donc eux, ils ont fait un lancement de EP au Atomic Café sur rue Ontario samedi soir dernier. Et nous avons évidemment eu un entretien avec deux des membres du band, donc plus tard dans l'émission. Alors, je parlais d'un bloc trash, surprenant, n'est-ce pas, avec Celtic Frost, Forbidden, mais avant, les Suisses de Coroner qui figurent sûrement là, parmi les mes bandes fétiches là, de cette période, la deuxième moitié des années 80. Virtuellement ignoré en Amérique du Nord, malheureusement. Et dans la dernière année, malgré des spectacles là, un peu partout en Europe, dans des festivals en France, en Italie, même une tournée en Amérique latine, mais pas ici, jamais ici. Pourquoi? Des raisons obscures, on y reviendra peut-être. Et somme toute, à mon avis sincère, probablement le trio le plus sous-estimé, là, dans tout genre confondu dans le rock puis dans le métal. Mais que voulez-vous? On va continuer d'espérer et ça ne nous empêchera pas de les apprécier. Donc une pièce de leur troisième album, No More Color, qui célébrait l'an passé leur quart de siècle déjà. Une de mes pièces favorites vraiment de cette période, Leave My Scars. Vous êtes sur Underground Québec Radio. We'll be right back. de Subversion sur Underground Québec Radio. Comment ne pas reconnaître Tom Warrior avec Celtic Frost, une version de Circle of the Tyrants, une pièce marquante pour eux, version qui provient du Emperor's Return EP, paru en 1985. J'ai toujours préféré cette version-là, d'ailleurs, plutôt qu'à celle de Two Megatherion, paru l'année suivante. qui, à mon avis, avait ses grands défauts de production, notamment la réverbération beaucoup trop grande pour la batterie de Reed St. Mark. Et je suis convaincu qu'il devait ralentir là, afin d'attendre que l'écho finisse avant d'y aller avec une prochaine frappe, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, là, parce que là, c'était pas du doom, là, c'était du speed metal. Mais c'était un peu un mélange des deux, mais... Bref, la version d'Emperor's Return, toujours une favorite pour moi à ce jour. Et c'est un événement spécial pour Rod qui nous écoute encore de Rouen. Et Rod, je suis convaincu qu'il va la dédier à toute la gang de fous qui venait au studio de CIRC à l'époque où j'animais Metal Militia à la maison des 80 à Rouyn-Noranda. Et donc avant ça, oui, on avait eu Forbidden avec Overthrow. De l'album Omega Wave paru en 2010. Album qui, malgré sa grande qualité, ne semble pas avoir fait trop de vagues, à l'instar de Heaton, qui ont sorti aussi un très bon album la même année. Deux bons bands qui ont fait deux bons retours après plusieurs années, mais pour des raisons qu'on connaît plus ou moins. Peut-être une modeste tournée pour Forbidden, mais après ça, ça a disparu de la circulation. Donc, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir pour ces groupes-là. Et on avait quoi? Qu'est-ce qu'on avait au début du bloc? Coroner, évidemment, avec Leave My Scars. Excellente pièce de No More Color de 1989, parue sur Noise Records. On poursuit tout de suite avec trois autres pièces, dont une autre demande spéciale pour mon bon ami Johnny Hart du magazine Metal Co., qu'il opérait à l'époque où il était encore gérant d'Aggression, justement qu'on va entendre dans le prochain bloc avec une nouvelle pièce de leur nouvel album Fractured Psych Demons. Et justement, parlant de Johnny, ben l'autre après-midi, alors qu'on prenait une bière ensemble, on jasait comme ça de Motorhead, de Lemmy, de ses récents problèmes de santé et tout ça, et de la satisfaction en apparence des fans sortant dans la rue de l'Olympia à Montréal le 18 septembre dernier, alors que je passais devant moi-même en revenant du show de Godflesh qui se produisait deux blocs plus loin. Et puis, justement, il me parlait de Motorhead et de son admiration pour Brian Robertson, l'ancien Thin Lizzy qui jouait sur cet album Another Perfect Day, le seul qu'il a fait avec Motorhead en studio, à part, bien sûr, la compilation No Remorse. Mais, et justement, il décrivait la qualité là, du solo de Brian sur cette pièce qu'il a choisie. Shine! Motorhead sur Underground Québec Radio. Vous écoutez Subversion. I'm

to unwind. It's never been defined. Somewhere deep within there's another being you are somehow abusing by the person you're using. Moonlight night after moonlight night, side by side they will see us ride. But if you cared to look, then they would see it's just our return to fantasy. On se permet une belle excursion dans les années 70, ici dans la période très créative du rock progressif et symphonique. Return to Fantasy de 1975 de l'album du même nom. Un album qui a quand même eu beaucoup de succès en Europe, au Royaume-Uni particulièrement. Et quand même une 85e place dans le top 200 du Billboard américain. Un 8e album déjà à ce moment-là pour le band. Et c'était au moment où John Wetton de King Crimson s'était joint au groupe. Et moi, j'avais découvert la pièce par une reprise de Dan Swano de Edge of Sanity qui paraissait en tant qu'artiste solo sur une compilation bizarre paru sur Black Mark Records à l'époque. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça. Une compilation bizarre avec des reprises bizarres, reprises par des groupes bizarres. Et cette pièce, il en avait fait une espèce de version électro-gothique. Curieux quand même, avec du drum machine, tout ça. Et c'est à se demander si c'était véritablement un hommage au groupe, à Uriah Heep. Mais bon, sans douter des goûts très prononcés pour le rock progressif de M. Swanoe, à l'instar de Michael Akerfeldt, je pense que c'était peut-être plus pour essayer ses nouvelles bébelles dans son fameux sous-sol qui s'appelait le Unisound Studio à l'époque. Quand même, une des très très bonnes pièces de Uriah Heep, à mon avis, Return to Fantasy. Dans le bloc avant, on avait eu aussi Aggression, qui sont venus nous visiter au Québec récemment, notamment à Trois-Rivières et à Montréal. Sick and Disturb, une des quatre nouvelles pièces parues sur le nouveau CD, paru sur Galley Records récemment, et aussi qui comprend les démos 85 et 86. Donc ça, on va en refaire jouer bientôt à l'émission, c'est certain. Et puis, au début du bloc, évidemment, une demande spéciale pour Johnny Hart, Motorhead avec Shine, de Another Perfect Day, paru en 1983. Et fait intéressant que j'ai constaté, l'album est paru en avril, justement, de l'année 83. Et c'était pas mal au même moment que Metallica faisait le voyage de la côte ouest pour se rendre à New York pour enregistrer l'album Kill 'Em All. Et qu'ils ont renvoyé, justement, Dave Mustaine par autobus quelques jours après. Et puis, évidemment, on connaît la suite. Hein, pour se revenger, Dave s'est formé un band très rapidement du nom de Megadeth. Et s'en est suivi ce qu'on sait. En fait, l'album était sorti un peu sur le tard, mais mon point ici, c'est que quand on écoute la pièce Shine, on peut se rendre compte avec évidence que il s'en est servi comme modèle pour composer la pièce Chosen Ones qu'on retrouve sur Killing Is My Business, justement, au niveau du riffing, de la structure, tout ça, c'est une évidence. Alors, oui, le jeune Dave Mustaine, décidément à ce moment-là, une de ses références, une de ses grandes influences, bien sûr, Motorhead. Oui, je parlais en début d'émission d'une entrevue qu'on avait eue avec deux membres de Vanta Black Warship dans le cadre de leur lancement de EP qui a eu lieu au Atomic Café ici même à Montréal. Et on va entendre ça après les deux pièces qui s'en viennent. D'abord Suffocation, mais avant Ateretic, une pièce rough mix que j'ai choisie pour Dan Leblanc d'Ateretic lui-même, guitariste talentueux, ainsi que Yannick qui nous écoute. Donc Element, version rough mix d'une pièce qui est apparue plus tard sur Additional Version de 2001. Vous écoutez Subversion sur Underground Québec Radio. Yeah! Subversion sur Underground Québec Radio. De Vanta Black Warship dans la ruelle juste derrière le Atomic Café. C'est le lancement du EP. Alors, je suis en compagnie de Thierry et de Curtis, celui-là. Salut! Salut. Trois questions rapides comme ça. D'abord, qu'est-ce qui vous a donné la force et l'inspiration de créer cet alliage de musiciens qui composent votre band présentement? Une bonne question. Force d'aspiration, je pense que c'est peut-être les démons du midi, je sais pas. On est tous des gars dans la quarantaine et des vieux de la vieille, des vétérans. Ils nous appellent les vétérans, apparemment, là, dans les médias sociaux ces temps-ci. Je dis un peu à la blague à Thierry des fois, je dis on va commencer à vendre des coquelicots. Là. Mais non, écoute, je pense que ce qui nous rassemble, c'est une passion pour le métal. Puis des gars qui, ça fait des années qu'on joue la scène montréalaise, puis on s'est retrouvés, des affinités communes, autant au niveau de la musique, mais au niveau des personnalités. Puis c'est juste une belle chimie qui s'installe, puis on s'est dit, ben pourquoi pas faire un petit projet avec ça. Fait que vu que la chimie était vraiment, vraiment à un bon niveau, l'enregistrement, tout le processing d'enregistrement, tout ça s'est fait vraiment rapidement, dans le fond. Très rapidement. En fait, on était quoi, en studio? Bon, 8 heures. 8 heures pour bon enregistrer l'album. On a enregistré ça live. Live. On a capté l'essentiel de même. Ouais, avec notre chummy Pat Canup, ancien guitariste de Foreshadow, qui a tout fait des prises de son, il a fait le mastering, le mixage, etc. Ça, ça a pris un peu plus de temps par la suite. Ouais, mais je veux dire, la prise de son initiale, là, on a fait ça vraiment à la SOD, en 2 jours. Live, là, en 2 soirs. J'ai entendu en entrevue que vous avez mentionné que pour vous, le fait d'enregistrer un EP, c'était favorable pour vous autres. Pourquoi? Bien, pour nous, en fait, d'un certain sens, bien écoute, on n'est pas signé présentement, on n'a pas de label. On voulait juste sortir quelque chose qui nous permettrait à commencer à faire des spectacles, tourner un petit peu, se faire connaître, puis voir si le monde mordait à l'hameçon finalement. Plutôt qu'aller investir dans un gros projet, album, etc., faire une quinzaine de tunes, tu tends une perche finalement à la communauté métal. S'ils aiment ça, tant mieux. Peut-être que tu récidives avec quelque chose un petit peu plus laborieux. Hein? Puis, mais c'est correct. Hein? Nous autres, on se plaît là-dedans, on a beaucoup de plaisir. Les gars qui ont une passion commune, puis on le fait pour nous d'abord et avant tout. Si les gens aiment ça, mais fine, it's great. Hein? C'est vrai ça. Oui, on fait. C'est vraiment pour nous autres à prime abord, puis tant mieux. On espère. Si on aime ça, on se dit qu'il y a du monde qui va aimer ça. On peut pas être seul à triper sur une affaire, sinon on est peut-être tout fou. Mais bref, c'est ça. Après, le résultat est vraiment étonnant de ce que j'ai entendu. Là, ça sonne vraiment l'enfer. C'est, merci. Merci beaucoup. Merci. Ma dernière question, c'est dans le futur, mettons, d'ici un an, qu'est-ce que vous avez comme but après le lancement de ce soir? Je pense qu'on aimerait faire fait quelques spectacles, promener un petit peu en région. On ne veut pas se concentrer juste à Montréal. Écoute, peut-être bâtir un petit momentum pour peut-être faire des festivals cet été. Oui, des festivals, ça serait vraiment apprécié. Là, ouais. Pour jouer devant le plus de monde possible. Faire le plus de shows qu'on peut, mais des shows qui valent la peine le plus possible. Ça évolue bien. Il y a une belle chimie. On est capable d'écrire. On écrit quand même assez vite. C'est un projet qui aboutit dans à peine un an. Avec vraiment peu de pratique. On se voit même pas chaque semaine. Puis c'est ça, à chaque fois, ça avance vraiment vite. Fait que même si on se voit pas souvent, les choses arrivent vite, puis c'est tout le temps. Le fun est toujours de la game. Fait que tant que ça va être comme ça, on va juste avancer. Aucune raison qu'on arrête. Ça vient de commencer. Puis même si on a d'autres projets, dans le fond, toujours moyen de s'arranger, tu sais, avec les dates, tout ça. Là, tu sais, quand t'es en tournée avec un band, ben, tu sais, c'est ça. Il y a toujours moyen d'organiser notre horaire en conséquence. Là. Ça, c'est sûr. De toute façon, les bandes en question n'ont pas de tournée internationale prévue. Non, puis quand... Puis, tu sais, on reste très modeste dans tout ça aussi. Ouais, d'abord et avant tout, c'est pour le plaisir. Ouais. C'est pour notre propre plaisir. Puis si ça rejoint des gens qui ont des atomes crochus avec la musique, le genre de musique qu'on fait, parce qu'on sait que c'est pas la tasse de thé de tous les métalleux, mais s'il y a des gens que ça rejoint, mais tant mieux. Puis, let's have fun. Hein? Ouais, let's have fun. Alors, les gars, je vous souhaite un bon lancement. Ben, puis, merci beaucoup. Longue vie à Foreshadow. C'est une blague. We're gonna ride on. We're gonna reach the ball. We're gonna The Black Warship, quelle conviction sur The Pit, provenant du EP 2015, lancé le 26 septembre dernier. Ce qui fait vraiment la différence sur ce disque, c'est outre la conviction, la performance, c'est le son. Pour un album qui est enregistré en 8 heures, c'est vraiment excellent, je le conseille fortement. Les 6 pièces sont très bonnes. Et puis, ils font une espèce de genre de trash groove metal des années 90, un peu mélangé avec du trash années 80. Peut-être un genre un peu saturé, mais renouvelé vraiment de brillante façon ici. Ça pourrait plaire aux amateurs de Down, Pantera, Cathedral, Rob Zombie, Testament, peut-être Canzeria aussi. Bref, ils ont offert une performance à la hauteur du disque et de ce qui s'en dégage vraiment. Donc, Yannick Pilon, Pat Gordon, Thierry Yvon, Curtis Clifford, Pierre Pitre composent ce groupe et tous des membres ou anciens membres de Foreshadow, Arsenic 33, Ghoulin at Six et Buffalo Theory. Donc, c'est déjà le temps de se laisser, ça va très vite. On se laisse avec une pièce de Ghost de l'album Meliora, probablement ma pièce préférée sur l'album, composition d'une grande qualité qui s'appelle Majesty. Revenez-nous la semaine prochaine sur Underground Québec, probablement notre VV Capitalis. Et n'oubliez pas la page Facebook, facebook.com/subversionmetalshow. Salut! A prince in exile.